بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Donc on a vu auparavant donc les significations ou les définitions de la bid'a. Et aussi on a mentionné donc les types ou les genres de bid'a, ainsi que comment les gens sont arrivés donc à mettre en œuvre et à donc inventer ces bid'a. Donc on a parlé surtout de l'istihsan. Et on a aussi parlé de du fait que la bid'a est un égarement. Donc kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Donc chaque bid'a en réalité est un égarement. C'est un égarement même si les gens la voient bien. Même s'ils considèrent que la bid'a est quelque chose de bien. On a un consensus chez les gens de la sunna et du consensus parmi les compagnons du prophète, ainsi que tabi'in, ainsi que a'immat as-salaf, pour réprimander la bid'a, pour dire que c'est quelque chose de qabih, pour dire que c'est quelque chose en réalité de vide. Et on a donc quelques paroles des compagnons du prophète, ridwanallahu alayhim, vis-à-vis de ce sujet, vis-à-vis du fait de réprimander la bid'a. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu a dit: ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Donc il a dit radiallahu ta'ala anhu: suivez et n'ignorez pas, car il vous a été suffi. Dans le sens que ce qui vous a été apporté de l'islam vous suffit amplement. Du fait qu'on sait que la religion est complète. Et on a vu le verset qui prouve cela. Et on a vu le verset qui prouve cela: Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Et dans une version aussi, Wakulu bid'atin dalala. On a aussi ça dans la version de notre version de la parole de Abdallah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Que chaque donc innovation est égarement. La même chose pour Abdallah ibn Omar radhiyallahu anhu wa an abihi, lorsqu'il dit Kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Donc Ibn Omar ici dit que chaque innovation est égarement, même si les gens la voient bien, même si les gens pensent que c'est une bonne chose. Donc déjà ici, il vient aussi donc barrer la route et enlever la règle dont les gens utilisent pour ce qui a à voir avec l'istihsan, le fait de dire qu'il y a des bid'a hasana. Donc cette parole de Ibn Omar déjà est une réponse à ceux qui se permettent de dire qu'il y a des bid'a hasana. Elle avait dit même si les gens la voient bien. Donc on voit que le istihsan donc disparaît. N'a plus rien à voir en vérité dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours bien sûr on voit vis-à-vis de leurs paroles et vis-à-vis de leurs actes donc une concordance chez les compagnons du prophète et chez les plus prédécesseurs qui sont venus après eux. Sont tous unanimes par rapport à cela. Ya'amal ibn Salam a dit: Kunna najlisu ala babi Abdullah ibn Mas'ud qabla al-ghada. Fa'ida kharaja mashayna ma'ahu ila al-masjid. Faja'ana Abu Musa al-Ash'ari. Faqal akhraja ilaykum Abu Abdurrahman ba'd. Kunna la. Donc, les tabi'in restaient dans le rapport de Abdullah ibn Mas'ud. Donc les élèves, bien sûr, restent à la porte de leur chouur afin de profiter de lui. Ils avaient l'habitude de faire cela à Salatul Dhuhr, afin de marcher avec lui jusqu'à la mosquée et de profiter en vérité de lui poser des questions ou d'apprendre des choses de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Musa al-Ash'ari vient aussi. Il leur demande: est-ce qu'il est sorti donc Abu Abdurrahman? Est-ce qu'il est sorti Abu Abdurrahman? Je dis non. Fadjala sam'ana hatta kharaja. Il est resté avec eux jusqu'à ce que Abdallah ibn Mas'ud sorte. فلما خرج إليه جميعا فقال له أبو موسى. Une fois que Abdallah ibn Mas'ud est sorti, radiallahu anhu, donc Abu Musa lui dit: Ya Abu Abdurrahman, إني رأيت في المسجد آنفا عمرا أنكرته ولا قرأ ولله الحمد إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبر المياه فيكبر المياه، فيقول هلل المياه فيهللون المياه، يقول سبح المياه فيسبحون المياه. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، أنتظر انتظارا رأيك أو انتظار أمرك. فقال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا يا أبا الرحمن حسن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيئا. الحديث continue encore, j'ai pas terminé. Mais, donc ici par rapport à la traduction, donc, lorsqu'il est sorti, Abdallah ibn Mas'ud lui dit, donc Abu Moussa lui dit, oh, père de Abdurrahman, viens Abu Abdurrahman. Donc ça, c'est un adèle que les gens ont les uns envers les autres. Certes, j'ai vu auparavant dans la mosquée quelque chose que j'ai détesté. Et je ne vois, alhamdoulilah, que du bien. Mais il a détesté cela. Et lui dit, si tu vivras, tu le verras. Il lui dit, j'ai vu dans la mosquée, donc des gens qui sont réunis en assises. Ils sont assis, ils attendent la prière. Et pour chaque assise, un homme. Et dans leurs mains, ils ont des pierres, des cailloux. Et il leur dit, dites 100 fois Allah Akbar. Donc, ils le font. Et puis il leur dit, dites 100 fois la ilaha illallah. Et donc ils le font. Et il leur dit aussi, 100 fois, donc glorifiez 100 fois Allah. Et glorifie 100 fois Allah. Et lui dit, qu'est-ce que tu leur as dit? Donc Abdallah ibn Mas'ud répond, demande à Abu Moussa al-Ash'ari, qu'as-tu fait? Qu'as-tu? Donc qu'est-ce que tu leur as dit? Il dit, je n'aurais rien dit, en attendant que ton avis. Et aussi en attendant ton ordre. Donc déjà on comprend que Abdallah ibn Mas'ud il est plus savant. Du fait qu'Abu Moussa al-Ash'ari ne fait rien tant qu'il n'a pas eu l'avis de quelqu'un qui en aurait été donc le meilleur que lui. Et lui dit, n'y auras-tu pas ordonné de compter leurs péchés, hein? Et que aussi, en même temps que tu leur garantisses que leur CIS, bien plutôt que leur Hassanat ne va pas disparaître, qu'ils ne vont rien faire en Hassanat. Donc c'est une façon de parler, c'est une kinaya afin de réprimander. C'est une façon de parler afin de réprimander. Puis, donc ils ont continué leur route jusqu'à ce qu'il arrive à cette assise. Parmi les assises, et il s'arrête auprès d'eux et leur dit quelle est la chose dont je vois que vous faites, c'est-à-dire quelle est la chose que vous faites alors que je vous vois faire. Ils disent, oh Abu Abdurrahman, des pierres, des cailloux dont nous comptons. Nous comptons à partir de ces cailloux, donc à t'inscrire, Allah Akbar, le fait de dire Allah Akbar, le fait de dire la ilaha illallah, et aussi le fait de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur dit, comptez vos péchés. Comptez vos péchés. Et bien sûr, car je suis donc garant à ce que vos hasanat, hein, vos bonnes actions ne sont pas perdues. Mais ça, en réalité, c'est justement plutôt pour donc, les réprimander. Et c'est clair que leurs hasanat, justement, vont disparaître. Donc, « وَيَحْكُمُوا يَأُمَّةْ مُحَمَّدْ مَا أَصْلَحْ هَلَكَتِكُمْ وَهَلَكَتِكُمْ هَوْلَى صَحَبَةٍ نَبِيكُمْ صلى الله عليه وسلم مُتَوَفِرُونَ وهذه ثيابه لم تبلع وآنيته لم تكسر والذي نفسي بيده إنكم على منة أهدى من منة محمد أو مفتح باب الضلالة. Donc il dit, donc oh communauté de Mohammed, donc réellement vous empressez à périr. Donc il n'y a pas plus rapide que vous pour périr. Ces gens-là sont les compagnons de votre envoyé. Ils sont nombreux, Mutawafirun. Donc ils sont encore existants, ils sont vivants, ils sont nombreux. Ces avis, les avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas encore disparu, ils existent encore. Hein? Donc ils ne ont pas été délabrés ou quoi. Ces récipients n'ont pas encore été cassés. On sait bien que c'est la terre, c'est l'argile. À un moment donné, ça se casse. Donc ces récipients existent encore. pour comprendre que le Nabi, il s'en est mort il n'y a pas très longtemps. Il est mort donc il n'y a pas très longtemps. Vous vous empressez déjà à désobéir au Nabi, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même avec ce temps qui est court entre sa mort et vous-même. Il jure par celui qui détient le sang entre ses mains, certes, ou bien vous êtes donc dans une commune, dans une religion, vous avez une religion qui est plus, donc qui est plus guidée que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien vous avez ouvert une porte de l'égarement. C'est un des deux. Automatiquement, ils ne peuvent pas se permettre de dire qu'ils sont plus guidés que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont obligés d'accepter à tous les hal, s'ils l'acceptent, donc la deuxième partie. Le fait qu'ils ont ouvert une porte de l'égarement. Et ils disent, Wallah ya Abba Rahman, ma aradna illa khair. Ou la ma aradna illa al khair. Oh, Père d'Abrahman, Wallahi, nous n'avons voulu faire que du bien. Donc déjà, on voit qu'à l'origine, c'est une bonne niya. À l'origine, la niya, elle est, on va dire, elle est sincère. Qala, wa kam il mourid il khair, l'ain yusibhu. Et combien de personnes qui ont voulu faire du bien n'ont jamais réussi à atteindre ce bien? Ils n'ont pas atteint ce bien. Parce que tu ne peux pas atteindre ce bien que par al-ikhlas et al-mutaba. Si tu n'as pas les deux conditions réunies, donc le bien n'existe pas. Quoi que tu fasses, même si c'est a priori énormément de bien. Même si c'est a priori énormément de bien. À partir du moment que ce n'est pas conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ce n'est pas un bien. Et inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam haddathana anna qawman yaqra'una al-qur'ana la yatajawaz taraqihim. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc certes, il y a des gens qui lisent le Coran, mais cette lecture ne dépasse pas en vérité donc leur gosier, leur gorge. Bien même, ce n'est que du son. Si ça ne dépasse pas là, c'est pas entré où? Dans le cœur. Afin que ce soit quoi? Compris. Afin que ce soit médité. Afin que les gens craignent. Afin que les gens ont le désir. Il n'y a pas ça. Donc il n'y a pas ce qui doit en vérité faire vibrer ce cœur. Dans le sens, ils ne méditent pas. Ils ne réfléchissent pas dessus. Ils n'ont pas été touchés. Donc c'est que du son. Donc apparemment que donc, c'est pas suffisant. Ils lisent et il leur manque quelque chose. Voyez par quoi il commence. Par une œuvre qui est permise, légiférée. Le fait de dire 100 fois Allah Akbar. 100 fois Subhanallah. Une bonne intention. Ils sont même par exemple, on va dire qu'ils sont à la mosquée. Mais il y a un problème. C'est qu'ils ont utilisé des pierres, ils ont fait donc, une méthode qui n'est pas légiférée, qui n'existe pas dans la religion d'Islam. Ils démarrent avec un point qui les amène à l'égarement, et ils terminent parfois par faire partie des khawarij. Car en réalité, chaque grand moubtadir, il a commencé par être un petit moubtadir. Il n'a pas commencé directement par terminer par grand moubtadir. Chaque bid'ah, chaque grand secte, qui voire même s'il est sorti d'Islam, n'a pas commencé par justement ces choses-là directement. Tout est venu avec l'évolution. Tout est venu en vérité avec l'évolution. Ils commencent par aimer la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'ils font partie des plus grands rabbins. Ça commence comme ça. Le roulou, fi ahlan nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'exagération dans l'amour et la préférence de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'on a vu ce qu'on a vu. Donc il dit, sûrement donc que, je ne sais pas, donc sûrement que la majorité, pour partie justement de vous, c'est-à-dire, Arad Moussa a dit, on a vu la majorité de ces gens-là, des gens qui étaient donc dans ces assises, c'est eux qui, donc, qui nous perçaient, qui nous attaquaient, qui nous combattaient, le jour de Naharawan, avec un Khawarij. Hein, le jour de Naharawan, avec un Khawarij. Parmi les batailles connues, là il y a eu El Jamel, Sifin, Naharawan. Donc c'est de l'an 35 à l'an 37 de l'Égypte lorsqu'il a eu le Sultan avec Mohammedia, avec Ali, avec le Khawarij, il a fait. Donc voyez un peu, il commence par une petite chose et après il délaisse. Alors qu'ils étaient très des savants. Et que meilleur savant que d'avoir que de soi les compagnons du prophète, le temps d'avoir alayhim, wa sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne prennent pas d'eux. Voilà. Ils ne prennent pas d'eux. Alors qu'ils étaient vivants et vivaient autour d'eux. Non. Donc on voit, donc on va être de ce afa, donc de ce texte, de cette histoire. histoire, que cette histoire en réalité nous fait, on profite de cette histoire, qu'il y a des bases, qu'il y a une base importante à retirer dans justement le domaine de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que la personne ne peut pas, donc, en vérité, précéder ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait, a ordonné, et ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi a ordonné. Il est interdit non, de quoi de devancer ce que Allah azza wa jalla a ordonné ainsi que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et normalement, les gens devaient dire, nous avons entendu, nous avons oublié. Sami'na wa ata'na. Ils devaient avoir été respectés. Eux, ils ont entendu, mais ont désobéi. Sami'na wa asina. Ils entendent les versets, ils sont présents. Ils prient dans les mosquées avec les musulmans. Ils savent. Mais simplement, vous voyez ce qu'ils font. Ils vont ailleurs. Ils ont du rire qui vient de façon brute, hein, de la meilleure façon. Dans le sens où ils ont des grands ulama. Ils ont le compagnon du prophète. Le temps d'avoir allé, ils ont sûrement entendu de certaines choses. Mais malgré ça, vous voyez, ils ne prêtent pas de l'air. Ils inventent de même. Ils prennent comme législateurs des gens inconnus, rajouts. Il y a dans ce passé un homme, Moubhar. Il est venu inconnu. Manhada. Est-ce que cet homme-là fait partie des grands savants connus là? Voilà. Il ne fait pas partie des ulama connus. Et pourtant, c'est lui qui leur dit, faites sans. Rajoun. Donc il est inconnu. Il ne fait pas partie seulement des gens qui ont le droit de faire les fatwas, qui ont le droit d'expliquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré qu'ils ont voulu faire du bien. Malgré qu'ils ont voulu faire quoi? Comme on l'a dit auparavant, al-istihsan. Donc ils ont voulu faire al-istihsan. Et bien sûr, lorsque tu dis aux gens cela, de façon générale, les gens de la Médina, ils vont dire bien sûr. Donc ce qui compte, c'est d'arriver au but. Peu importe en vérité, elle ou elle. Eux disent que ça, c'est un moyen. Donc le moyen t'amène en vérité à quoi? À ce but-là. Le but, c'est de faire. Donc les pierres. Et après les pierres, bien sûr, est venu donc le tasbih. Si tu leur dis, maintenant, le tasbih est-il venu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont dire non. Mais simplement, quand je mets ma main dans ma poche, eh ben j'entends, je vois hein, le tasbih bouge dans ma poche, je le sens. Donc qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait rappeler que je dois me rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïr. D'abord c'est pas vrai. Parce que celui qui se rappelle d'Allah azza wa jalla, celui dont Allah azza wa jalla a donné la réussite, il va se rappeler sans cela. Il n'y a pas besoin de cela pour ça, même pour ça. Et la preuve elle dit sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui sont avec lui. Ou bien, on va leur dire aussi, taïb. On ne va pas les voir, par exemple, utiliser hein, ce que certains disent, la sunna de la poche. Dans le sens, ils ne vont pas faire la sadaqa. Quand tu ouvres ton portefeuille, tu penses à faire sadaqa. Donc on peut en vérité toujours après leur répondre avec leur façon de faire. Viens voir. À chaque fois que tu ouvres ton portefeuille, n'oublie pas en vérité de donner fissabilina. De donner dans l'œuvre d'Allah Azza wa Jalla. Là, à ce moment-là, oui. Ça sera un rappel qui permet. Ça, au contraire, c'est un bon rappel. Mais contrairement à certains là qui sont là, ils viennent avec choix. Parce qu'ils disent donc, c'est pour en vérité te montrer qu'ils ont la fin, elle justifie les moyens. C'est dans ma poche, afin que je me souvienne qu'il faut me rappeler dans l'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et on sait que chaque adoration a ses moments spécifiques. Il est bien de faire le rappel d'Allah Azza wa Jalla, par exemple entre l'Asr et le Maghrib, parce que les prières elles ne sont pas légiférées. Lorsque les prières ne sont pas surérogatoires, qui ne sont pas légiférées à ces époques-là, donc c'est bien de lire en ce moment-là le Coran. C'est bien de faire d'autres adorations. Et au moment où c'est mieux de faire la prière, on va faire la prière. Donc en vérité, alhamdulillah, l'islam est venu gérer toutes ces choses-là. Et eux, non. Ils veulent, en vérité, ils ne veulent pas suivre justement ce qui a été montré. Donc, on voit que donc chaque innovation, bien sûr, est également. Et ici, on a ça qui mentionne des points qu'on a vus auparavant. Est-ce qu'on doit connaître cette bida? Est-ce qu'on doit connaître en réalité les innovations? Non. On doit connaître, de façon générale, al bida, afin de ne pas y sombrer. Car un Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin finnar ». Chaque innovation donc, est un égarement, et chaque égarement est dans ton enfer. Et ce qui t'amène à l'enfer, tu dois le connaître. Le mal, tu le connais, afin de t'en protéger, afin de ne pas tomber. Tu n'apprends pas le mal. Tu ne connais pas le mal pour le mal, mais tu connais le mal afin de t'en protéger, afin de ne pas sombrer en réalité dans ce mal. Donc il faut le connaître. Et c'est justement, donc, par rapport à ça. Donc comme a dit le Sha'ir, il dit, « Aratuk Shara, لا للشر ولكن انت واقعي ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. Donc, j'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en protéger. Et celui qui ne connaît pas le bien du mal, sombre dans ce mal, tombe dans ce mal. Non. Et on a avec le Hayy aussi, donc d'autres paroles, la parole de Omar ibn Khattab, qui dit que l'islam en vérité est venu. Donc, l'islam disparaît cordelette par cordelette. Vous savez que l'islam c'est une anse solide. Elle diminue, elle faiblit cordelette par cordelette. Celui qui donc, est entré dans l'islam et ne connaît pas, elle gère rien. Ne connaît pas, elle, Jahiliya, ne connaît pas en vérité l'ère anti-islamique. Et c'est pour ça qu'ils disent que le compagnon du prophète, le fait qu'il connaissait bien Jahiliya, qui ont connu l'islam avec le meilleur professeur, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'ont connu de la meilleure façon, donc ils ont été les meilleurs des hommes. Et donc il a fait l'enfant par rapport à cette parole, il a divisé les gens en quatre. Celui qui connaît bien l'islam, et celui qui connaît bien, donc tout ce qui n'est pas d'islam, à partir du kufr, du shirk, Al-Bidah. Marassi, tout cela. Donc ils peuvent se protéger. Il y a celui qui aussi, ça c'est la meilleure catégorie. La deuxième catégorie, et qui est juste en dessous de celle-ci, c'est celui qui connaît bien l'islam, malgré qu'il n'a pas vécu, il ne connaît pas bien la Jahiliya, car il a toujours vécu au milieu des musulmans, il a toujours vécu dans l'islam. Et lui, le fait qu'il n'a pas connu, il n'a pas vécu tout ce qui est shahawat et shubuhat, donc il n'est pas tenté par cela. Lui, c'est la deuxième catégorie. L'homme, le fait qu'il a été tenté, peut-être par des charouettes, par des choubouettes, parce qu'il a connu avant l'islam al-Jahiliya, il y a besoin de faire quoi? Plus d'efforts pour ne pas sombrer, pour ne pas revenir dans ces choses-là. Il y a besoin de faire plus d'efforts. Donc ces plus d'efforts-là, ils font de lui quelqu'un qui prend plus de hasanat. Troisième catégorie de personnes, c'est celui qui connaît le tafsir, comment sont al-Juhal, al-Jahiliya, mais il connaît mal l'islam. Et ça, c'est là, ça c'est Hayy, Akfar al-Muslimin al-Hayy. Et ça, Ibn Qayyim rahimahullah, il le dit déjà à son époque. Alors imaginez maintenant. Les gens connaissent mieux ce qui se passe en dehors de l'islam que ce qui se passe dans l'islam. Ils connaissent mieux, maintenant, dans n'importe quel domaine de la dunya, parce que le fait que c'est hors de l'islam, donc tout ce qui a à voir avec la dunya, ils le connaissent bien mieux que ce qui se passe dans la religion dans le Razaoujé. Que ce soit les noms de chanteurs, les noms d'acteurs, les noms de footballeurs, les noms de ceci, les noms de ceux, les noms des voitures, les noms des marques de ceci, les noms des portables, de télévision, tout ce que vous voulez, on a, les gens ils sont capables d'être super rapides, de connaître même les chiffres, c'est tel portable, tel numéro, tel ceci, telle fonction, tel ceci. Ils sont en réalité sans dans le domaine, et malgré cela, il y a énormément de noms de compagnons qui sont très très connus, qui ne sont pas connus de leur part. Si on demandait quel est le nom réel de Abu Huraira, d'Abu Qasidik, même cela, on trouvera en réalité beaucoup de musulmans qui ne peuvent pas répondre par rapport à ce nom réellement. Ils connaissent bien ce qui se passe au Jahiliya, mais ils connaissent mal ce qui se passe aussi, ce qui se passe en bâtiment de la religion d'Allah. De la même chose que certains disent, j'ai envie de faire aussi comme a fait donc celui qui parle, Ahmed Didat par exemple. Le fait de tout connaître chez les chrétiens, il ne connaît pas la religion d'Allah sur internet. On t'a pas demandé de faire ça. On t'a pas demandé. C'est comme ça que je vais leur répondre. Mais tu connais pas la religion d'Allah. Pourquoi tu veux en réalité être un représentant d'Islam si tu connais pas déjà la religion d'Islam? Tu vas peut-être trouver des points d'aqida chez les chrétiens qui sont conformes aux points d'aqida chez nous, et tu vas essayer de le combattre, en croyant que tu as raison. Eux, ils disent qu'Allah est les chrétiens, et toi, tu vas te dire qu'Allah est les fikou les mecs. Alors, c'est eux qui auront raison, c'est toi qui auras tort. Comment tu fais, si tu ne connais pas cela? Donc, c'est pas comme ça. Tu veux. En plus, ça, c'est des gens, tu sais que c'est pas conseillé de faire cela. Toi, s'il y a des gens qui le font parce qu'ils connaissent bien l'islam, tant mieux. Il y a des éléments, alhamdulillah, qui le font. Comme Cheikh Saud, Khalaf. Donc c'est des gens qui sont forts dans l'islam, mais aussi qui connaissent bien donc justement les autres religions. On parle de gens qui vont se baser à partir du Coran et de la Sunna par rapport à cela. Ils vont bien sûr se baser à partir du Coran et de la Sunna avec à la ferme salaf. Et donc ils peuvent, le fait qu'ils ont un bagage religieux, ils peuvent répondre de la meilleure façon. De la meilleure façon. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle donc Dirasa, donc c'est Cheikh Saud Khalaf qui écrit un bon livre par rapport à cela. Même en lisant, vous-même, vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous ne connaissiez pas dans les deux religions, chez les juifs et chez les chrétiens. Donc voici en vérité la race dans la Sunna. C'est de connaître en vérité aussi donc le mal. Il y a le hadith que vous connaissez sûrement, le hadith Hudayf ibn Yaman, lorsqu'il a dit « Kana an-nas yas'aluna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an al-khair ». Donc certes les gens questionnaient l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur le bien. Et moi je le questionnais sur le mal afin que je ne rencontre pas ce mal. Afin que ce mal en fait ne me touche pas. ne m'afflige pas. Je ne suis pas affligé, ni touché, ni intéressé par ce mal. Donc on voit, par rapport à ceci, dans cette preuve-là, il a demandé de ce qui allait arriver sur les choses à venir. Hein, lorsque les gens étaient dans un bien, après ils étaient dans un mal, il a dit. Il ne dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé. Par rapport au hadith. Oui, après ce bien, quand il était dans un mal, le bien est venu, donc l'islam, après ce bien, vient un mal, hein, et après le mal revient un bien. Il avait parlé par rapport au peuple qui ne juge pas sur la loi d'Allah Azza wa Jal, mais pourtant, même si il a quand même appelé un bien. Donc en parlant des gouverneurs. Comme quoi, malgré que les gens sont loin de la sunna du prophète, mais ça reste quand même un bien, même s'il y a des choses, Il a demandé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam de quoi d'obéir et de, hein, de quoi de d'écouter et d'obéir le gouverneur, quoi qu'il en soit. Donc on voit par rapport à ce hadith, qui fait partie des hadiths de base, et qui sont énormément mentionnés par les gens qui parlent sur la sunna, qui parlent sur le manhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve souvent ce hadith mentionné. Des hadiths dont énormément de gens essayent d'éviter. Ou si, au contraire, ils vont essayer de faire la meilleure défense de l'attaque, ils vont attaquer les gens avec cela. Ils vont dire na'am fi dakhal. Et ça veut dire que Al-Dikhwan Moussini, ça veut dire que le Khawarij et les autres sont dans la vérité. Parce qu'il y a du bien. Mais il y a des choses, mais il y a quand même du bien. Donc il veut dire que c'est une preuve que chaque secte, c'est comme ça qu'ils disent. C'est une preuve que chaque secte est bien, a du bien. Ils utilisent, regardez ce hadith, en vérité, avec une incompréhension qui leur intéresse eux. En disant que chaque secte est bien. Par rapport à ce hadith. Alors que ce hadith est clair, il ne parle pas de ça. Il ne parle pas avec le fait de chaque secte. Parce qu'il dit bien qu'il y a des gens avec le fait qui parlent avec notre, hein, avec notre bouche, qui parlent avec leur bouche, maintenant que ce sont en réalité des gens qui ont des cœurs de shayatin. Alors je ne vois pas comment, après avoir un cœur de shaytan, on peut être bien. Pourtant, le hadith, il est clair. Mais eux, ils jouent. Ils jouent avec une partie du hadith. Il y a du bien, mais il y a des choses. Voilà ce qu'ils font. Donc la personne doit connaître, en premier lieu bien sûr, le tawhid et son contraire le shirk. Il n'a qu'à lire qu'est-ce que shubuhat, hein, ou bien il n'a qu'à lire aussi le qawaid al-arba pour en vérité comprendre cela. Parce qu'il va lire qu'est-ce que shubuhat, qu'il va lire les quatre bases, le qawaid al-arba, il va en vérité bien comprendre justement tout ce qu'il y a à voir par rapport au shirk. L'histoire du shirk, le shirk a une histoire. Le shirk a une histoire. Et celui qui connaît les chances d'histoire du Cheikh, il va bien comprendre pourquoi les envoyés sont envoyés. Et comment ça se passe. Les envoyés viennent, ils font dawa, ils subissent ce qu'ils subissent, peu acceptent, beaucoup donc ne suivent pas, Allah les pieds, hein, Allah les fait périr, voire des fois entièrement. Hein, ça recommence, le Tawhid y revient, il recommence, le Cheikh revient et ainsi de suite. C'est la sunna d'Allah Azzawajal qui veut que ce soit comme ça. Vous avez remarqué comment ça se passe en réalité lorsque vous voyez l'histoire de Nuh et d'Ibrahim et des autres envoyés, comment ça se passe. Non. Et que c'est le Nabi, ça va avoir celle qui est venue en plus détruire. Et ça, c'est aussi donc une grande place. Bien sûr, la grande place que qu'a le prophète Mohammed Sarasim dans l'islam, comme c'est la meilleure place, c'est lui qui est venu détruire les premières statues qui ont existé. Donc justement, regardez le noble travail du prophète Sarasim, de faire restaurer le Tawhid sur la terre d'Allah Azzawajal. De faire restaurer le Tawhid. Et il a détruit lui-même. Donc il a détruit, à tous les faits, à son époque, ont été détruites donc les premières statues. Que vous connaissez, les cinq statues à l'époque de Noé. Et aussi, donc, lorsqu'on arrive à connaître comme il le faut le Tawhid, lorsqu'on arrive à connaître comme il le faut le Shirk, et là on continue la même chose, avec bien sûr la Sunna et la Bida, hein, et les bonnes actions et les péchés et la khiri, tout cela. Tout cela en vérité amène à cela. Mais si dès le départ, tu ne veux pas connaître le Tawhid, et tu ne veux pas connaître le Shirk, donc bien sûr, automatiquement, donc la Bida. Et la sunna, c'est encore donc plus simple pour toi d'arrêter de délaisser la sunna et de tomber dans la bid'a. C'est beaucoup plus simple pour la personne. Je ne pense pas qu'une personne qui a décidé d'être très assidue dans la sunna ou d'être très, très assidue dans le fait de délaisser les bid'a et que le tawhid ou bien le shirk, il ne prête pas attention. On ne pense pas que les gens sont comme ça, de façon générale. Et toujours, donc, on a vu par rapport à la sincérité, donc le fait de dire la ilaha illallah, et de renier ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait sûrement mentionné cela. Il a mentionné par rapport aux musulmans, vis-à-vis du musulman, comment il doit être honoré et respecté dans l'islam. Car il a dit donc, « Men qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'man min dunillah harruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. » Donc il dit, celui qui dit la ilaha illallah et renie ce qui est adoré en dehors d'Allah, lui sera interdit son sang, ses biens, hein, et aussi son, ses comptes sont auprès d'Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il montre ici, comme quoi que celui qui le dit, et en plus il renie ta route, donc son sang et son bien, donc il devient en vérité respecté, il devient honoré, il devient sacré. Il devient sacré devant les musulmans. Et son compte sera auprès d'Allah. Ce qu'il fait, c'est entre lui et Allah. C'est pas entre toi et lui. Allah Azzawajal, il y a, ne t'inquiète pas, Allah Azzawajal se porte garant de juger chaque personne. Juger chaque personne. Donc c'est pas à nous, en vérité, de venir juger n'importe comment les gens. Et aussi, le fait qu'il soit respecté. Il est sacré. Quand est-ce qu'on est en état de sacralisation? N'est-ce pas que c'est en prière? On se permet pas de faire des choses dans la prière. N'est-ce pas que c'est pendant le hajj? On se permet pas de faire des choses pendant le hajj. Ça, il y a beaucoup de choses qui nous sont interdites en prière. Il y a beaucoup de choses qui nous sont interdites pendant le hajj. Eh bien, tu dois t'interdire du côté du taureau musulman comme si tu étais en état en prière ou en vérité en hajj. Tu es en état de sacralisation face à lui. Vous voyez? Parce qu'il est haram. Et tu es rentré en vérité aussi dans cet état de sacralisation, dans ta prière et dans ton hajj. Le fait de quoi? De ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Haram. C'est interdit. Non, de faire en vérité cela. Non plus. Faire attention à faire à la bouche, hein, de ne pas en vérité causer tort à un élu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui sont des élus d'Allah, donc il faut faire attention à cela. Il faut en vérité faire attention à cela. Et on sait bien que à la Kulhel, très peu de gens ont accepté. Ont accepté en vérité le tawhid. C'est pour ça qu'Allah se dit, wa ma yu'minu aktharuhum billah illa wa hum aktharuhum billah illa wa hum mushriku. Certes, la majorité ne croit pas en Allah, alors qu'ils sont en vérité donc polythéistes. Ils croient en Allah, ils ont parmi leur croyance le fait de dire quoi? Le fait de dire quoi? Ce verset ici, Ibn Abbas, il fait tafsir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils croient en Allah dans le fait de dire que c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui donne la subsistance, par rapport à Tawhid al-Rububiyyah. Mais ils sont associateurs par le fait de quoi? D'adorer autre qu'Allah Azzawajal. Ils adorent autre qu'Allah Azzawajal car ils demandent, ils invoquent, parce qu'on sait que les chiffres commencent par les invocations, ils invoquent en réalité autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et aussi, toujours par rapport au hadith qu'on avait auparavant, hein, les Arabes de Messaria, on l'a mentionné plusieurs fois, enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi dit de s'accrocher fermement à sa sunna. Oh, en plus, quand est-ce dans des moments où c'est très difficile, parce qu'il y a beaucoup de bid'ah, il y a beaucoup de machaqib, il nous demande d'avoir été patientés, de rester proche du gouverneur, et de rester assidu, parce que c'est le najat, c'est la réussite, c'est elle qui va te sauver. Le fait de quoi? De suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdi min ba'd. Donc, suivez donc, alaykum c'est un ordre. Alaykum c'est un ordre de la part d'Allah Azzawajal. Donc, suivez donc, c'est un ordre. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de quoi? De suivre sa sunna. Et la sunna des compagnons, hein, n'ont bien guidé. Ce qui veut dire, on regarde dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais on regarde aussi comment l'ont compris ses compagnons. Ils regardent. Donc, ils l'ont compris de telle façon, nous aussi on va la comprendre comme ils l'ont compris. Car si on fait ce qu'ils font, on sera bien guidé. Et après aussi, accrochez-vous à Dualéa bin Nawajil. Accrochez-vous-y avec les molaires. Wa iyakum. Wa muhdafat al-kumun. Fa inna kulla bid'atin darara. Et attention aux nouvelles choses, car chaque nouveauté est égarement. Non. Donc l'ordre, c'est d'être assidu et s'accrocher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'interdiction, c'est de disparaître, en vérité, de s'écarter. Donc totalement des bidards quand ce sont des égarements. Et chaque bidard est un égarement. Donc, à partir de cela, lorsqu'on voit cela, hein, le fait, ma frère, les bidards commencent déjà, comme on l'a dit, par l'irtiqad. Les innovations commencent en réalité par l'irtiqad. Donc on doit déjà expliquer aux gens ce que veut dire réellement la ilaha illallah. Si maintenant on demandait à certaines personnes, en vérité, que veut dire réellement la ilaha illallah? Des fois on peut entendre, donc des fois que c'est la khalif ou la razik. On retrouve des gens qui sont comme ça. Et même des gens qui sont connus, qui font des cassettes, ils font beaucoup de cassettes, mais que sur le wa'ad, que sur l'exhortation. Ils parlent du paradis, de l'enfer, ils savent bien raconter des histoires, ils sortent, ce sont des bons parleurs. On les voit des fois lorsqu'ils mentionnent la ilaha illallah, ils n'ont pas dépassé ce que les mouchriquins ont dit. Ils ne dépassent pas, subhanallah, ce que les mouchriquins ont dit. Leurs cassettes sont répandues dans le monde entier. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont oublié que ce n'était pas comme ça qu'il faisait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il apprenait aux gens la religion. Il ne parlait pas que du paradis et de l'enfer. Il n'y a pas que Tarhib. Mais il y a aussi, surtout, l'ahkam shari'a. L'ahkam shari'a, à partir du tawhid, jusqu'à Kulhel, hein, donc le fait de retirer quelque chose qui est sur la route. Tout. Et ça, c'est ça les doulous. C'est les doulous. Et le mawarid, c'est de temps en temps. النبي صلى الله عليه وسلم exhortait les gens une fois par semaine. Il laissait le jeudi pour cela. Il laissait le jeudi pour l'exhortation des gens. Les gens maintenant ne s'intéressent que aux exhortations. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont connus dans le monde entier, sont plus connus que les grands savants, mais en vérité, ils ne s'arrêtent que justement à l'Ouaz. Et les gens pensent que ceux-là sont les grands savants. Et que l'islam ne s'arrête que à ça. Le Jannah, hein, les femmes du paradis, donc ceux-ci, on va parler d'un fait de société, on va parler de cela, sans entrer en vérité dans les règles religieuses. C'est pas ça la religion. La religion, elle nous apprend ce qui est halal et ce qui est haram. Et ça, les exhortations, c'est de temps en temps. Car ça fait du bien. Car cela fait du bien. Donc on voit en vérité que ces gens-là ne suivent pas cela. Donc on va aller voir justement se tromper dans la ilaha illallah. Ils vont jamais expliquer que c'est la na'bud bihaq illallah. Ils vont jamais expliquer cela. Et ils vont jamais se donner aussi les shurut, hein, les conditions de la ilaha illallah. Les piliers. Hein, les dents qu'il y a dans la ilaha illallah, comme le dit Wahab ibn Munabbih. Que chaque clé, parce que la ilaha illallah c'est la clé du paradis. La bénie, mais n'oublie pas que chaque clé elle a ses dents. Donc si la clé n'a pas de dents, n'a pas ses conditions, le paradis ne s'ouvre pas. Si elle a les conditions, elle s'ouvre. Et vous le connaissez sans moi, l'ilm yakin, le mahab al-sidq, le sidq, et autre encore. Donc on pourrait en vérité parler de cela. Donc à partir de cela, on remet la cause à qui? Pourquoi que, on remet la cause en vérité à ceux qui propagent la religion. On ne va pas remettre la cause à une personne âgée qui est en train de commettre une bid'a. On ne va pas l'attaquer comme si c'était un grand moubtédère. Parce qu'il ne le sait pas, il n'a fait que suivre les gens. Il a peut-être vécu avec des gens qui ont fait ça toute leur vie. On va remettre la cause à ceux qui enseignent, à celui qui a propagé cela. Vous voyez? À celui qui, en vérité, qui propage cela. Donc il est obligatoire que chaque personne qui appelle Allah al-Tawajan, qui a décidé de prendre le chemin de la dawa, de quoi? De connaître d'abord, de s'armer. De s'armer en vérité de science, à partir du livre d'Allah al-Tawajan, de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est un da'i, il faut qu'il soit da'i de l'Allah. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة أدعو إلى الله على بصيرة جعل الله avec science donc il appelle à la sincérité à revenir à Allah عز وجل par lui par un sexe par un pays par une région par un parti politique mais par Allah عز وجل à la بصيرة à la ilm avec la science parce que c'est la science qui va en réalité faire de toi celui qui va ouvrir correctement avec justement une bonne croyance avec en réalité aussi une bonne croyance. Donc la personne doit savoir comment utiliser les envoyés d'Allah. Et sûrement le frère Abdelmé qui fera la baisse, il vous en parlait justement du Tawhid, hein, de par rapport à Dawat al-Anbiya. C'était quoi? Ils ont tous appelé à l'unicité d'Allah. Tous d'entre eux, vous remarquez bien qu'ils ont tous reconnu pourtant par des gouverneurs. Ils ont tous pu parler avec les gouverneurs, voire fait un effrage avec les gouverneurs. Et pourtant, ils n'ont pas appelé à autre chose que à l'unicité d'Allah. Quoi qu'il en soit, on appelle à l'unicité d'Allah. Quel que soit la situation, quel que soit le problème. Car chaque solution à tout problème, c'est en vérité le fait d'appeler Allah subhanahu wa ta'ala au tawhid et d'enlever justement le shirkiyat. Donc tu vas appeler au tawhid et tu vas appeler à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'il faut être. Vous prenez un exemple. Malik Fahd rahmatullah alayhi, c'est son frère qui vit. Il y a un frère qui s'appelle Al-Amir Mamdouh. Il vit à Jeddah. On peut le visiter. Sûrement certains d'entre vous le savent. Il a dit son frère, à chaque fois que les gouverneurs arabes venaient le voir, il leur a toujours demandé de détruire les tombes qui étaient endorées en dehors d'Allah Azza wa Jalla. Il a toujours dit aux gouverneurs arabes qui venaient le voir, ou aux gouverneurs musulmans qui venaient le voir de quoi, de détruire les tombes qui étaient dans leur pays. Car il les appelait au Tawhid. Il appelait au Tawhid. Donc il a toujours fait ça. Donc on voit qu'il y a un rôle. Il y a un rôle de vérité. Il a vérité suivi tout simplement la voie de. Des quoi? Des envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a suivi avec les manhaj al-anbiya par rapport à cela. Et plusieurs fois aussi, donc, Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, a pu rencontrer certains d'entre eux. Et leur parler directement de Tawhid. Si c'était pas eux, c'était des fois donc des ambassadeurs. Des fois, ça arrivait qu'il y avait donc une assise, c'était que des ambassadeurs tous les pays musulmans. Et Cheikh Ibn Baz, donc, leur ordonnait Tawhid. Et si c'était leur gardien, ils disaient, on prie ici, les noms, on entre le nida, vous allez tous avec moi à la mosquée. Donc il leur montre, justement, parce qu'il leur montre en vérité quelle est en réalité la religion d'Allah Azza wa Jalla qui passe en réalité avant tout. Qui passe en réalité avant tout. Non. Donc voici en réalité comment sont ceux qui appellent réellement Tawhid, sont ce qu'ils appellent justement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jalla a décidé, donc il y a un groupe de cela. Alhamdulillah, on sait que ce n'est pas tout le monde qui peut justement faire cela. Et Allah donc choisit des gens pour appeler par Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, وَتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Il y aura donc qu'il faut qu'il y ait parmi vous un groupe qui appelle au bien. Il y a le khair. Et le premier khair, c'est le tawhid. Hein? Et aussi le fait de s'écarter du shirk. Ils recommandent le bien. Ils interdisent le mal. Et ce sont eux, donc en réalité, qui auront la réussite. Ce sont eux qui vont réussir. Et alors ça dit bien, al-aflah al-mu'minun. Donc ce sont des sifètes des croyants. Ce sont en vérité des sifètes des croyants. Non. De ceux qui croient aussi, bien sûr, en invisible. Car c'est l'origine de la croyance. On le voit bien dans le début de la sourate al-Baqara. Et la même chose toujours par rapport à la da'wa, au tawhid et à la sunna, le fait de recommander le bien, le fait de réprimander le mal, recommander le bien, tawhid, hein, sunna, tout ce qui a à voir, donc quand je dis sunna, c'est-à-dire la vie du prophète sallam, mais pas la sunna, quand je dis la sunna, donc il y a même le wajib qui rentre dedans, je veux dire la vie du prophète sallam, toute la sunna, mais pas la sunna de façon comprise chez les fuqaha, mais plutôt la sunna comprise chez, de façon chez les muhaddithés, ainsi que le fait de réprimander le shirk, de réprimander les bid'ah, et de réprimander en vérité tout ce qui est mal. De réprimander en vérité tout ce qui est mal. Et c'est la seule façon qui va faire de nous en vérité une meilleure communauté. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. » Certes, vous êtes la meilleure communauté qui surgit de par les gens. Vous ordonnez le bien, vous réprimandez le mal et vous croyez en Allah. Donc il fait partie des gens qui surgit. Il n'a pas dit à l'Azajel, comme le dit Jamal Kébir, il sort pour dire que le Khouloud, je l'ai permis par rapport à ce verset. Ou Khouloud, ça ne veut pas dire qu'il sorte vers les gens pour appeler les gens à la table. Ça ne veut pas dire ça. Mais qui surgit, qui font partie des gens, et un groupe parmi eux qui va en vérité, qui surgit parce qu'il a de la chance et qui va en vérité appeler à l'Azajel. Ils sont partis apprendre pour après enseigner. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire en réalité qu'on fait le Khouloud. Donc voilà un petit peu ceux qui ont décidé de jouer avec la religion dans la Sfantana. Et Anam Haoula, Yatafidun, Fumayasadilum. Ils ont un petit peu que le Khouloud c'est obligatoire. Hein, celui qui ne fait pas, ne fait pas partie des bons musulmans. Et après ils cherchent. C'est-à-dire c'est A, sortez, donc là, voyager 40 jours. Au Khidjakrinnes, des choses comme ça. Ils essaient de trouver en réalité des points qui vont les arranger. S'ils trouvent un chiffre qui va avoir 3 jours, Allah 3 jours. S'il y a ceci, il y a cela. Sans savoir si ce verset est conforme avec ce qu'ils font réellement. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse en vérité, c'est de prendre Mantashabahaminu. De prendre en réalité Mantashabahaminu. Et aussi, Al-Iman al-Mahdisi Rahmanullah dit وَقَدْ حَذَّرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَصْحَابُهُ فَمِنْ بَعْدُ أَهْلِ زَمَانِهِمْ مِنَ الْبِدَعِ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَأَمَرُوهُمْ بِالِاتِّبَاعِ الَّذِي فِيهِ النَّجَاةُ مِنْ كُلِّ مَحْذُورٍ. Donc il dit bien, donc l'imam al Mardisi, Rahmatullah alayhi, il dit, certes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons ont interdit, et ainsi même quand même Badam, même ceux qui étaient après eux, donc les communautés qui étaient après les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les tabi'in et les autres. Donc ils ont toujours prévenu les gens de leur communauté contre les bidars, contre quoi les innovations, et aussi les choses nouvelles. Et il leur a ordonné de suivre, hein, car de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le kibar, de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il y a dans cela le fait d'être sauvé de chaque chose qui est en réalité, donc, où il y a une menace. Chaque chose en réalité qui est en réalité interdite. Non. Et aussi, le kibar, Allah azza wa jalla l'a parlé. Et Allah azza wa jalla a dit que cet kibar, c'est une preuve de son amour. Subhanahu wa ta'ala. Donc si tu veux réellement aimer Allah Azza wa Jalla, donc suis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit donc, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يَحْفِظُكُمُ اللَّهَ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si réellement vous aimez Allah, suivez-moi donc. Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Non seulement tu vas profiter par cette étude d'être parmi les alliés d'Allah Azza wa Jalla, les élus d'Allah Azza wa Jalla, ceux dont Allah Azza wa Jalla aime, mais aussi Allah Azza wa Jalla pardonne tes péchés. Parce que les bonnes actions, on sait qu'elles sont celles, hein, de pardon des péchés. Et si les péchés sont pardonnés, c'est un grand khair. Et Et Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, donc l'a dit, on en a déjà dit, donc il a dit de façon par rapport à sa parole. Donc il dit que lorsque il y a eu énormément de gens qui ont prétendu aimer Allah, on leur a demandé de nous en fournir les preuves. Bimanel, les preuves, c'est quoi? C'est de montrer si réellement ils sont conformes au Coran et à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, Allah subhanahu wa ta'ala montre comme quoi est possible le prophète, et qu'il n'y a qu'une seule voie. Parce qu'il dit wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Certes, voici moi à voie droite, suivez donc là, suivez donc cette voie, et ne suivez pas les voies qui vont en réalité vous séparer de cette voie, de cette voie-ci. Voici donc l'ordre d'Allah afin que vous craigniez. Comment les gens veulent acquérir et atteindre la crainte d'Allah Azzawajal si en vérité ils œuvrent et ils font, ils pratiquent, ils commettent en vérité ce dont Allah a pardonné. Tout ce que Allah ordonne, ça augmente ta foi. C'est une ta'a. Et tout ce dont Allah a pardonné, donc c'est pas une ta'a, c'est pas l'obéissance. C'est pas justement en vérité une obéissance. Parce que Allah t'a pardonné de faire telle et telle œuvre, tu vas commettre telle œuvre, ne crois pas que ta foi va monter. Tu vas en vérité tout simplement croire cela, tu vas te tromper, tu vas t'induire en erreur, et en vérité tu vas t'égarer tout simplement. Tu vas en vérité t'égarer. Et le Mufassirun, lorsqu'ils disent, hein, par rapport à ça, donc parmi l'équipe de Tabirin, donc Abul Fujjaj, Ibn Jabr al-Makki, il dit, donc il fait partie des plus grands Tabirin, il dit, et c'est donc un grand imam parmi les imams du Mufassirin, donc il y a eu énormément de imams parmi les Mufassirin, parmi les Tabirin, car ils ont pris directement d'Abdallah ibn Mas'ud, d'Abdallah ibn Omar, de Abdallah ibn Abbas. Ils ont travaillé des grands compagnons du prophète qui étaient donc qui excellaient dans tel siècle. Et eux, ils expliquent beaucoup cela. Donc ils disent, voilà tatabiru subul, vous ne suivez pas les voies, bimana al-bid'ah wa shubuhat. Les innovations, les quoi et les ambiguïtés, les shubuhat. Les gens ont eu des shubuhat dans le domaine du destin, al-qadr. Ils ont eu des shubuhat vis-à-vis du fait d'ordonner le bien, de réprouver le mal. Ils ont eu des shubuhat par rapport au wa'i, par rapport à la menace, comme al-Khawarij ou bien Mu'tazila. Ils ont eu donc des shubuhat dans énormément de choses. Et aussi, l'Aïf ibn Abdessalam, rahmallah, dit « Touba liman tawal, touliya shi'an min umur al-muslimin, fa'an, fa'urina ala imatat al-bida, wa ihya al-sunan. » Donc Touba, on sait que c'est donc bienheureux, ou bien que cela soit bien sur lui, pour lui, mais Touba c'est aussi un arbre au paradis. Pour celui en vérité, tawalla, liman tawalla shi'an min umur al-muslimin, celui qui a l'ordre, donc des musulmans, celui en vérité qui est responsable des musulmans, que ce soit dans la mosquée, l'imam, que ce soit en réalité donc un ministre ou un gouverneur ou aussi le khalifa. Tous ceux qui ont un ordre vis-à-vis d'une communauté. Et puis, donc lui, et il a aidé afin que les bidas, elles disparaissent, afin qu'elles soient en réalité disparues. Et qu'il fait revivre les sunnas. On sait bien que des fois il y a des sunnas qui sont cachés. Et la personne en réalité, elle vient faire revivre les sunnas. Non. Ne me dites pas que les sunnas ici maintenant il y a 20 comme ça, elles étaient comme maintenant ici en France. On parle que de la situation en France. On sait bien que si quelqu'un était venu faire une dollar et demi en France il y a 20 ans, on ne sait pas qui y aurait eu en face de lui. Il n'y aurait eu que des vieux, de façon de parler. Ça, Alhamdoulilah, Allah Azzawajal a voulu que 20 ans après tout change. Donc il y a quand même beaucoup plus de sunnas qui sont connus maintenant en France, qui sont même pratiqués en France que par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est en vérité un khair. C'est un khair, Alhamdoulilah. Toujours. Donc voici. Donc, il dit toujours, depuis l'Aïd ibn al-Abbasar, « وَيَجِبُ إِنْكَارْ الْبِدَعْ الْمُضِلَّةِ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى إِبْطَالِهَا سَوَاءٌ قَبِلَهَا قَابِلُهَا أَوْ رَدَّهَا. » Donc il dit qu'il faut en réalité, ça c'est dans l'adab al-shari'a de Ibn Mufih, par rapport à l'adab al-shari'a. Donc ça rentre dans l'adab al-shari'a, ça rentre dans le bon comportement de la jurisprudence de la charia, le fait en vérité de quoi qu'il est obligatoire donc de réprimander les innovations qui égarent et de montrer les preuves afin de pouvoir en vérité de pouvoir donc rendre nul et caduque donc ces bidas que la personne accepte ou pas. Après toi, c'est pas ton problème, c'est Allah Azzawajal qui guide. Toi en vérité, tu vas montrer, hein, toujours avec le hadith qui est demandé, tu le montres avec Aïm. Et on a vu hier que Cheikh Islam Ibn Taymiyyah a dit comme quoi ils font en vérité donc recommandé réprouver le mal avec science. Et au moment où tu vas le faire, tu vas lui donc réprimander, donc tu vas en vérité recommander le bien ou bien réprimander le mal avec douceur, au moment où tu le fais, et il te faut aussi donc cette douceur et cette patience après cela. Après le cela. Donc tu vas en vérité recommander. Et la dureté que tu vas utiliser vis-à-vis de réprimander, en vérité, selon la situation. Qui es-tu toi face à la personne? Est-ce que tu es une personne? Si tu vas montrer une certaine dureté, il va accepter. Il ne va pas accepter. Non, en vérité, il y a aussi une maslaha derrière. Le fait de recommander le bien, réprimander le mal, c'est pas automatique, donc c'est pas en vérité, c'est pas d'une seule façon. C'est selon la situation. Selon le degré de la faute, selon aussi les personnes. Qui es-tu et qui est lui? Bien. On ne sait pas en vérité donc qui les gens qui sont en face de toi. Parce que les gens qui sont en face de toi vont accepter de toi. Ils ne vont pas accepter. De façon générale, parce qu'ils ne peuvent même pas accepter, c'est un ordre qui dit. Mais des fois, il y a des moyens à utiliser afin que ce soit en vérité plus facile. Non. Est-ce que tu vas bien lui parler alors qu'il est énervé? Enfin, il est justement, il a fait ceci, et c'est pas le moment. Il est très pressé, il a faim, hein, il a mal au ventre, il doit aller aux toilettes, il a comment voir. Mais toutes ces choses-là, c'est pas le moment de lui parler. Tu laisses faire. Est-ce que tu trouves posé pour en vérité que tu lui parles? C'est des moyens, ça rentre dans en vérité, dans Turuk Dawa, dans en vérité, dans les Turuk de la Dawa, de savoir comment tu fais. Mais le faire, c'est qu'il faut le faire. Parce que ça rentre justement dans la dénomination Kuntum Khair Ummatin, le fait d'être, donc, de faire partie de la meilleure communauté. Donc l'imam Ahmed, en question, l'imam Marwazi, c'est un élève de l'imam Ahmed, Rahmatullah Ali, et c'est aussi le chiffre de l'imam Al-Barbar Ali, Rahmatullah Ali, Jamia. قلت لأبي عبد الله يعني إمامنا الإمام أحمد بن حنبل ترى لرجل أن يشتغل بالصوم والصلاة ويسكت عن الكلام في أهل البدع فكرح في وجهه وقال إذا هو صام وصلى واعتزل الناس أليس إنما هو لنفسه؟ قلت بلى. قال فإذا تكلم كان له ولغيره يتكلم أفضل. Donc je suis sûr que cette parole est connue de chez beaucoup d'entre vous, c'est que l'imam Marwazi questionna l'imam Ahmed, il lui dit, oh, Abba Abdillah, vous avez remarqué que beaucoup on voit Abba Abdillah, Abba Abdurrahman énormément. Chez les salafs, il y a beaucoup de, parce que ce sont les noms préférés, hein, les deux noms préférés auprès d'Allah Azza wa Jal. Énormément, vous avez remarqué ça. Vous avez trouvé beaucoup de Abdallah et Abdurrahman, énormément. Et l'imam Ahmed, donc il lui dit, tu vois un homme donc qui passe son temps, qui s'occupe de jeûner, de prier, un adorateur. Et ne parle pas sur les gens. Ne parle pas sur les gens de la vida. Hein, donc l'imam Ahmed répond, si bien sûr celui-ci jeûne et prie et délaisse les gens. Donc cela n'est-ce pas que cela est pour lui. C'est un bien. Il n'a pas dit que c'est un mal. Ce qu'il dit, c'est pour lui. Il jeûne, il prie, donc c'est un bien, c'est un adorateur. Il a déjà du bien en lui. C'est quelqu'un de très. Il n'est pas capable en réalité d'arriver à cela. Il n'a pas en vérité atteint le degré de l'Abdaliya, plutôt, le degré plutôt de l'Abdaliya, donc du fait d'être le meilleur. Et il lui dit, certes lui. Après il lui dit, mais s'il parle, ce sera pour lui et aussi pour les autres. Il fait profiter les autres. Le fait de prévenir les gens, donc, qui, justement, contre le chemin qui amène à la perdition. Contre les chemins qui amènent à la perdition. Il dit donc, il y a quelqu'un d'un mot Abdal. Il parle, cela est meilleur. Et on a toujours dit que c'est à la ilm. On a toujours dit que c'est à la basiratim. Parce que c'est du ilm, ça aussi. Si tu as décidé de parler sur les gens de la villa, il faut que tu le fasses avec ilm, sans vengeance personnelle, et comme l'imam Ahmed dit, la première est pour toi, la deuxième est contre toi. Tel que fi, bima huafi. Tu dois te souvenir de ce qui est, de ce qui a à dire dessus. Si tu rajoutes, après tu profites pour dire, il est comme ça, tu ramènes des péchés qui n'ont rien à voir avec les bidas, à ce moment-là, donc, tu rentres dans le péché. Tu rajoutes des choses qui n'ont rien à voir en réalité parce que tu vois que tu peux parler sur lui par rapport à Sibida, alors tu fais, tu rajoutes tout ce qui se passe. Là, vous avez remarqué que les ulamas s'arrêtent à ça. On ne les a pas vus sortir de leur péché. On ne les a pas vus parler de leur épouse. On ne les a pas vus faire cela. On ne connaît pas la femme de cette côté. Donc il faut faire attention. Les gens qui vont venir parler sur lui, après ils vont parler sur son épouse. Parce que, soi-disant, parce que la commune là, comme une bidar. Les ulamas, ils n'ont jamais fait ça. Et des élèves de Cheikh Mokhbel Rahmatullah Ali a dit, ils ont dit par rapport justement à ce principe-là, ils ont dit si Chir parlait des gens d'Abidal qui avaient au Yémen et ils nous auraient parlé sur ce de leurs épouses, on l'aurait délaissé. On l'aurait délaissé. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait. Bien au contraire, les Rémans n'ont pas omis, regarde, ils ont même mentionné, regarde comment c'est fort, parce qu'ils ont mentionné, pour prévenir les gens, nous on ne parle pas sur les femmes. Ils ne parlaient pas justement par rapport aux femmes. Ils ont même écrit qu'ils ne parlaient pas sur les femmes. Enfin, comme ça, l'affaire est claire. C'est pas le ménage salaf. Si quelqu'un a fait, on ne touche pas ceux qui sont autour de lui, tout simplement. Donc voici en vérité comment il faut être. Et ça, en vérité, c'est une bonne parole. Il y a aussi une bonne parole de l'imam Qatada, rahmatullah alayhi. Inna rajula idha ibtada'a bid'atan yaghdari laha tudhakira hatta tuhdar. Donc, l'imam Qatada, rahmatullah alayhi, dit, certes la personne, lorsque l'homme, lorsqu'il innove, donc d'une innovation, de quelque chose de nouveau, il faut qu'on mentionne cette bid'a, afin qu'elle soit qu'on se prévienne, qu'on se prémunisse de cette bid'a. Comme ça, on se prémunit et on prévient contre cette bida. On le sait. On sait qu'il y a une bida qui existe comme ça. Comme ça, on sait que c'est une bida. Le jour où on voit quelqu'un faire, on voit qu'elle arrive chez nous, et ben on peut la repousser. On sait que ça ne vient pas de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc d'où en vérité l'importance de connaître la kulhal al-bida. Maintenant, on va voir l'asbab. Asbab intishar al-bida. Les causes donc des ibtida. Premier point, c'est bien sûr al-jahl. Al-jahl. Bisunna, bisunnati al-mutahhar. De la sunna qui est pure et qui est saine. Wa ilm mustalah al-hadith. Ainsi que la science, donc des bases de la religion. Donc des règles afouan du hadith. Des règles du hadith. Les ulama, donc ils ont mis des istilahat dans le hadith. Et donc il est bien de connaître ne serait-ce qu'un minimum de cela. Afin de quoi ? De pouvoir savoir quelle est la différence et de connaître de pouvoir différencier donc le vrai du faux. Al-sahih min al-da'if, le vrai du faible. Al-salim min al-saqim, donc le fort du faible, ainsi que le vrai du faux, bien le sain du malade. Donc voici comment en vérité on retrouve, et à partir de le fait que ces gens-là n'en connaissent pas le vrai du faux, donc ils ont, bien sûr, ils ont œuvré, ils ont mis en pratique quoi ? Donc des hadiths qui sont imma da'ifa, imma mawdu'a. Ou elles sont faibles, ou des hadiths sont faibles, ou bien en vérité, ils sont tout simplement inventés. C'est des hadiths qui sont inventés et qui ne proviennent pas de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on retrouve beaucoup comme ça. Donc par exemple, ils ont des bid'a par rapport au fait de dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Al-Muhammadi, le Nabi, donc c'est la lumière en lui-même. Et ça, c'est Hadith Maudou. Ils disent Awalu, ma khalat Allah, nur Nabika, ya Jadef. Alors que c'est faux, comme si le prophète Mohammed avait dit à Jadef, la première chose dont Allah a créé, c'est la lumière de ton prophète. Oh Jadef. Et ça, c'est pas vrai. Comme quoi, Allah a créé la lumière du prophète. Et ça, bien sûr, ils utilisent donc, bien sûr, le soufir, ou bien roulette soufir. Vous utilisez cela. Nur. C'est pour ça qu'ils ont l'habitude de dire des paroles lorsque quelqu'un rentre dans la mosquée. Tu rentres dans la mosquée, non, là c'est prêt. Elle sait quoi, c'est propagé. Zotanan baraka, zotanan lour. Des choses comme ça. Alors que c'est des choses qui sont en vérité, qui ne font pas partie de la religion dans la société. Ils ont aussi, bien sûr, par rapport au Wahdat al-Wujud. Ils ont d'autres. Et tu vois la même chose, comme quoi Allah Azza wa Jal a créé toutes choses que pour l'envoyer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Laulaka, laulaka, ma khalaqtu taflak. Donc si tu n'étais pas là, si tu n'étais pas là, je n'aurais pas créé donc toutes ces, en vérité, ces galaxies, en vérité, ce monde complet, quoi. Toute la création n'aurait pas été créée que s'il n'y avait pas eu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un humain parmi les humains, mais simplement, la différence entre lui et nous, c'est yuha ilayya, comme Allah Azza dit. Qul innama ana basharun mislukum. Certes, je suis un homme comme vous, mais simplement, donc, il m'est révélé. La révélation ne vient qu'à moi. Elle est là, la différence. La différence, c'est yuha ilayya, bi ma'na, pas sur vous, mais sur moi. La révélation vient sur moi. C'est dans le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui reçoit la révélation. Mais, tout simplement, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a interdit al-itara. Il a interdit qu'on exagère sur lui. Donc, les baïds donc dit tout simplement, serviteurs d'Allah, ils sont envoyés. Il y a eu plusieurs Bani Amer qui sont venus, une tribu, ils sont venus, ils ont dit, le meilleur d'entre nous, tu es donc le Seyyid, tu es donc le Seyyid Serwa, ils sont venus, ils ont dit, tu es le plus fort, tu es le ceci, ils ont utilisé d'autres des caractéristiques, tu es le plus fort, tu es le. Donc ils les ont arrêtés, ils ont dit, arrêtez-vous là avec ce que vous dites, mais dites tout simplement que je suis Abdullah wa Rasoulou. Mohammed ibn Abdullah, Abdullah wa Rasoulou. Je suis Mohammed le fils d'Abdullah, donc. Donc il est aussi serviteur d'Allah, esclave d'Allah, et son envoyé. Yes. ça s'arrête là. On ne dépasse pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a à coup de halq enseigné. Donc ça c'est quoi? C'est le djihad. Si c'est par l'ignorance du fait de savoir que le Nabi s'en dépend plus, pour protéger le tawhid, il est très bien. Parce que ça rentre dans l'himayat et le tawhid. Ça rentre dans la protection du tawhid de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a fait de la meilleure façon, et pourtant les gens ne le savent pas. Vous voyez comment ils s'intéressent. C'est beau. Peut-être pour les gens qui aiment un petit peu, en vérité, on a l'impression qu'ils sont délire. On a l'impression qu'ils ne sont pas sur terre. Ils veulent que l'islam ce soit totalement spirituel, mais de façon un truc comme les bouddhistes. Donc ils partent un petit peu dans ce domaine-là. Ils veulent que ce soit un petit peu n'importe quoi. Ils ne veulent pas le réel. Ils s'éloignent du réel. Ils s'échappent de la réalité pour partir vers en réalité des choses qui sont que du spirituel, en exagérant. Et alors, c'est la lumière du prophète, c'est beau chez eux. Ils s'imaginent que justement, c'est ça la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et aussi, Allah Azza wa Jalla a bien dit pourquoi il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne t'ai envoyé que par miséricorde pour les mondes. Rahma. C'est quoi le rahma? C'est justement le kitab al-sunnah, c'est l'ilm, al-nafi' wa al-amal al-salih. Din al-haq wa al-huda. Al-huda wa al-haq. C'est ça en réalité. Donc ces gens-là n'utilisent pas les preuves religieuses. Ils ont délaissé le Coran et la sunnah et utilisent al-sihsanat. Ils s'imaginent que le fait que je dise que le Nabi Sallam est Seigneur, c'est bon, c'est bien. C'est bien, donc c'est pas un problème. C'est pas dérangeant pour eux. Alors que c'est clair que ces gens, en vérité, ont délaissé la science. Ils ont délaissé la science et ils ont suivi, en vérité, les gens qui n'ont pas de science. Le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dit, « L'air bidou l'ilm, yantazi'u itiza'a min al-ibad, walakin yak bidou l'ilm, liqabdil ulama, hatta ilam yubqa ilman, ittakhadam nasu rousa juhala. » Donc un Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, certes la science, certes Allah n'enlève pas la science par le fait, donc par le fait d'enlever le. Donc il n'enlève pas Allah la science, mais il n'enlève pas, donc il n'enlève pas la science comme cela, mais il enlève plutôt par le fait d'enlever par les savants, par justement donc les serviteurs. Ou plutôt, il enlève pas la science avant par le fait de l'enlever donc du cœur des serviteurs. Mais plutôt il enlève. Par la mort des savants. Par la mort des savants. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus un savant, les gens prendront, comme gouverneur ou bien personnes qui vont les commander, des ignorants. Ils vont donc faire les fétois, sans science, ils vont égarer et ils vont s'égarer. Donc ils vont s'égarer et ils vont s'égarer les gens. Dans l'eau, dans l'eau. Ils vont s'égarer déjà eux-mêmes et ainsi de suite aussi, ils vont égarer les gens. L'égarement, voilà comment elle vient. Elle vient du fait que les gens ont décidé de prendre des ignorants comme le savant, tout simplement. Et aussi parmi. Donc Ashrat al-Sa'a, min Ashrat al-Inna, min Ashrat al-Sa'ati, ayat al-Misa al-Inna, and al-Asa'ir. Et aussi parmi les signes, donc de l'heure, c'est que les gens ne recherchent la science que parce que chez les petits. Que chez les petits, and al-Asa'ir. Al-Sa'ir, le petit en réalité, il se permet de quoi? D'expliquer ce que les savants ont fait. Il se permet de faire à son niveau. Et au-dessus de lui, il y a d'autres. Et au-dessus de lui, il y a d'autres. Et soit ce qu'on arrive au Kibar. Et ce qu'en réalité, ce qu'on arrive au Kibar. Mais les gens qui ont décidé que ce sarir, ce petit, juge surtout, ça devient lui, donc son guide spirituel, ça devient lui son savant, ça devient lui sa source, en ce moment-là, c'est clair qu'il va se retrouver en état de kanigar. Et combien de gens n'ont suivi que n'importe quelle personne, ils n'en sont pas arrivés loin, ils n'ont pas été loin, car ils n'ont pas suivi ce qu'il fallait. Ils ont pris son comportement dans tout. Non seulement ils ont pris sa science, ils n'ont pas dépassé sa science, parce qu'ils ne peuvent pas la dépasser. Donc ils n'ont pas de science, ils n'ont pas plus de sens que ce que l'homme, ils n'ont pas son comportement, ils n'ont rien. Ils ont les autres comportements, ils ne se dépassent, ils ne peuvent pas dépasser ni son comportement, ni sa science, ni sa vision, ni l'intérêt. Alors qu'on sait qu'elle est, il ne se prend pas que d'un seul savant, déjà. Elle se prend avec une multitude de savants. Le même chef dit, il dit toujours par rapport à une parole qui est rapprochée, il dit que la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est, donc elle est répartie chez tous les savants vivants. Car Allah a dit, hein, s'est déclaré donc garant de protéger cette religion. La religion est protégée. Par qui? Par les ulama. Et chaque ulama aurait été tous réunis, ils ont la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et personne seul a la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Et toujours, donc, Abdallah ibn Mubarak, rahmallah, il dit ici par rapport à Sarir. Qui sont les Sarir? Il dit Ahlul Bidah. Car ça, le vrai sunnite, hein, le salafi, est-ce qu'il va venir lui arrêter les gens à lui? Ou bien en vérité, il va les remuer à la main? Et pas pour les ramener au ulama, qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants. Lorsqu'il va te parler, il va te dire qu'Allah un tel, qu'Allah Allah, qu'Allah Rasul, qu'Allah tel savant, qu'Allah Cheikh Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, Ibn Mubarak et les autres. Il va citer Al-Bukhari Muslim, il va citer les savants. Donc lui ne s'arrête pas à lui. Mais les autres, non, ils ne s'arrêtent plus à eux. Donc c'est mini à la lettre, elle est bida. C'est pas possible qu'il soit salafi et puis il fait ça. Il ne ramène pas aux autres. Donc on voit les gens qui ne suivent que lui. Donc sachez qu'en réalité, cette personne-là n'appelle pas au Coran et à la Sunna à la fin des salafs à l'Ikouma. Car il est obligé de leur expliquer qu'on doit d'abord connaître le Coran et le comprendre. Et que ce Coran-là, la Sunna, elle est venue l'expliquer. Et que cette Sunna-là, pour qu'elle vienne expliquer le Coran, pour qu'on comprenne cette Sunna, il faut qu'on passe par les ulama. Sinon, ce n'est pas possible. Donc elle quitte la Sunna à la fin des salafs. Si il ne vous ramène pas cela, en réalité, non, sachez que ce n'est pas quelqu'un de vrai. Ce n'est pas en réalité quelqu'un de normal. Mais un obligé qui vous amène des choses. Il s'arrête à lui. Il a des choses. Des choses à dunya, ou bien en vérité la hect chez les ulama, même s'il ne vous le dit pas. Il a en vérité cette jalousie, cette hantise chez les ulama. Et alors, il nous a pris le droit contre cela, justement. Mais ces gens-là ne le savent pas. Donc c'est pour ça qu'il a dit Al-Asarir al-Bidah. Donc les petits sont les gens de la Bidah. Donc on a vu par rapport à cela. Aussi, donc on a vu le fait de quoi ? Donc de prendre l'ignorance, du premier point. Deuxième point, de prendre les petits comme savants. Troisième point, c'est les habitudes, l'usage, l'adat, hein, les habitudes que les gens ont à faire, les coutumes, l'usage, l'adat chez les gens. Donc en général, il y a beaucoup de gens donc, qui vont utiliser donc, ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur entourage. C'est des adats. C'est en réalité des adats. On le retrouve donc dans les mariages, hein, dans les mariages, par exemple, lorsqu'il y a une naissance, lorsqu'il y a une mort. On retrouve spécialement dans les choses de la vie. Surtout les événements réels de la vie. On les trouve beaucoup dans cela. Donc on va passer. Quatrièmement, « Al-Taqlid wa al-i'tiqad al-ithma fil a'imma al-mujtahidin wa al-i'tab al-shuyukh min qadasa al-tuqadibu manazil al-anbiya » Aussi le fait de quoi ? Donc, d'être accroché à une personne, donc avoir du tarassouk, le fait en réalité d'être borné sur une personne, de penser que cette personne a toujours raison, au point que tu ne vois pas chez lui une seule erreur. Donc, même s'il fait partie des imams al-mujtahidin, et toujours avoir l'azajel pour vous prouver hein, que, bien sûr, c'est même l'homme en vérité se trompe, il y a le hadith du prophète sur scène par rapport à l'mujtahid, il a qadha al-mujtahid, fa'asab, falahu ajlan. Donc, si maintenant, ijtahad al-mujtahid, ou bien ijtahad al-qadi, fa'asab, falahu ajlan. Si le qadi, donc le mujtahid, il a ijtahada, donc s'il fait partie des gens de l'ijtahad, donc c'est un mujtahid. Il a jugé, et il a eu bon, il aura justement donc deux hasanat, il aura deux récompenses. La récompense parce que déjà c'est un savant, et la récompense aussi parce qu'il a jugé conformément. Hein? S'il s'est trompé, il aura une récompense. Car il a quand même essayé de rechercher la vérité. Et c'est quelqu'un qui peut se permettre de rechercher la vérité. Mais il s'est trompé, il a une récompense. Les ulama par rapport à ce qu'il a, ils disent le contraire. Donc les gens de la bida et les juhel, qui sont bien sûr les gens de la bida de façon générale, lui, s'il juge et qu'il a raison, hein, donc il aura quoi ? Un péché, le fait d'avoir jugé. Mais s'il juge et qu'il a tort, il aura deux péchés. Parce qu'il n'avait pas le droit de juger, rappelez. Il n'avait pas le droit de juger déjà. Il a eu raison. Quand dans la Meshatal, il tombait sur le fait d'avoir raison. Mais il a quand même le péché parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. Vous voyez ? Donc c'est pas le fiel, comme l'aïm. Et ça, on a été l'aïm, comme le prol, c'est le contraire, c'est la science qui prévaut. Et c'est aussi, c'est pas l'aïtikad, comme justement l'estiglel. Tu ne vas pas penser que cela se fait comme ça. Tu vas pas avoir la conviction que cela est comme ça, et après tu recherches des livres qui t'intéressent. Là, test à vie, feu matin à ta vie. Il faut en vérité avoir le chemin contraire. Donc il reste 20 minutes avant ça. Je vais terminer juste les points, rapidement. D'accord. Parce que ce point-là, il est super important. Il est super important. Et ça serait dommage de le laisser. Bien sûr, qui sont ces gens-là? Donc, c'est le cinquième point. Ittiba. Donc le fait de suivre que en réalité les hadiths et les versets qui sont ambigus. Les versets et les hadiths qui sont ambigus. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Voilà. En fait, ceux dont ils ont une maladie dans le cœur, ils ne suivent que ce qui est ambigu, ce qui est ambigu. Afin de quoi ? De suivre, afin de désirer donc les tentations et afin de désirer aussi l'interprétation. Ils veulent interpréter, ils ne veulent pas en vérité prendre. Au point où certains gens de la Bid'a se sont même permis de dire si seulement ce verset n'était pas descendu. Ils ont juste fait, hein, ils se sont permis d'arriver à ce point-là. Si seulement ce verset n'était pas descendu. Ils auraient préféré que ce verset n'existe même pas. Hein, ceux qui vont vraiment loin dans la Bid'a. Comme ça, ils étaient tranquilles. Il n'y a pas besoin d'aller le rechercher dans justement où s'ils ne trouvent pas de délire, ça ne va pas. Wakallam Allah Moussa Tafima. Ils ont dit quoi, eux ? Wakallam Allah. Ils ont tout simplement donc rendu Allah qui était sujet, le rendu complément. Par rapport à cela. Mais ils ont oublié qu'un verset qui vient encore justement, qui vient en vérité donc les coincer, parce qu'ils ont voulu juste changer, hein, comme vous voyez, la ponctuation. Ils ont voulu faire le mafroul, et faire le mafroul, tout simplement. Et la ponctuation, donc, l'amnaja à Moussa, ou l'amnaja à Moussa, les miqatla, ou à Kayamaro Rabo. Là, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il n'y a pas de moyen. Car c'est donc, lorsque Moussa est venu dans notre station, et son Seigneur lui a parlé. On ne peut plus changer. On ne peut pas rendre le sujet là maintenant, c'est pas possible. Là, il n'y a pas moyen. Dans le premier verset, il y a moyen de changer. Mais dans le deuxième, il n'y a pas moyen de changer. Donc ils sont coincés. Et après, ils ont dit, si seulement ce verset, quoi, n'était pas descendu. Vous voyez un petit peu la chose. Comment en vérité sont, en vérité, ceux qui ont des problèmes dans le cœur. Rabbi Azoul, il avait parlé que c'est la base, c'est le cœur. Si le cœur est sain, vous savez que le reste est sain. Si le cœur n'est pas sain, le reste, le chêne n'est pas sain. C'est pour ça qu'on a dit, Fa'aman la dinafi, Kouloubihim, Zeir. Le problème, c'est le cœur. Et ça rend justement donc parmi les asbab. Et bien sûr, en général, donc ces asbab-là, elles reviennent toujours à trois points. Donc on en a vu les cinq causes. Mais pourquoi ces gens font ces cinq causes à cause de trois points? Donc c'est justement donc l'ignorance donc des bases, hein, donc de la révélation, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, et de savoir comment arriver à comprendre. Il y a pas juste, ils savent que ça existe le Coran et la Sunna, mais ils n'ont pas compris comment arriver à cela. Comment arriver à sa fin, c'est-à-dire à comprendre en vérité le Coran et la Sunna, en passant en vérité par les ulama, les murabbiin. Et bien sûr, donc c'est le Coran et la Sunna avec l'ijma' et l'qiyas. Donc le consensus, on a dit auparavant que le consensus c'est quelque chose de très important. Parce que c'est en vérité, donc, lorsqu'il y a consensus, on ne peut vraiment pas en vérité se détourner du consensus. Car c'est tous les ulama qui sont réunis pour dire que. Et qui ont la bonne compréhension de ces textes-là, et qui ont dit que ceci est interdit, ceci est obligatoire. Donc toi, tu ne peux pas en vérité être contre eux, parce qu'ils sont, il y a un consensus. Et ma communauté de ce quoi, hein, ne se rassemble pas dans l'égarement. Donc il y a chez eux, mouhaf. C'est pas possible qu'en vérité, il y a un égarement chez tous les ulama réunis. Impossible. Ça reste impossible. Non. Et Al-Qiyas, donc le raisonnement par analogie. Qui est, bien sûr, donc le qiyas, il ne va pas venir en vérité sur les règles des adorations. Le qiyas, on ne les utilise pas dans les règles d'adoration. Tu ne vas pas faire un qiyas pour dire, maintenant, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, donc le bida, un hein, sunnah hasana. Et à partir de ça, tu fais le sunnah, donc on croit qu'il y a des bida hasana. C'est pas possible, ça n'a rien à voir, parce que c'est un qiyas mal fait. Il y a un problème là, car il n'y a pas de, il y a pas quoi, il n'y a pas d'analogie. Il n'y a pas d'analogie dans ce qu'ils disent. Donc c'est ce qu'on appelle en al-fiqh, ou sur le fait qu'un qiyas mal fait. Il y a en vérité une différence, et c'est pas possible d'arriver à cela. Car, donc parmi les règles, parmi les bases en vérité de la Sunna, c'est justement que, ici, c'est qu'en vérité, l'ibada, donc elle est tawqifia. C'est que les adorations, elles sont tawqifia. Dans le sens où elles sont arrêtées. C'est pas parce qu'on peut faire cela pour quelqu'un de notre famille qui est mort, ça veut dire qu'on peut lire le Coran pour lui. Il y a des villas qu'il faut qu'on peut faire certaines choses pour le mort. Le fait même de faire ses affaires pour lui. Ou bien le fait de faire un, de faire du rat pour lui. Mais, c'est pas parce qu'il y a cela que ça veut dire qu'on a besoin de lui dire, par exemple, hein, le grand pour lui. Ou si il aurait raté donc des jours de jeûne obligatoires, on va les faire pour lui. Parce qu'il y a des délits. Il n'aurait pas de délits, on n'aurait pas fait. Et on ne va pas faire à partir de 5 pièces comme quoi on peut mettre un lien le grand pour lui. Parce qu'il n'y a pas de délits dessus. Vous voyez ? Donc ça c'est justement, il n'y a pas de prière par rapport en vérité à l'adoration. Par rapport en vérité à l'adoration. Et aussi, donc deuxième point, c'est le fait de suivre ses passions. Fait l'ahkam. De suivre en réalité ses passions fait l'ahkam. normalement, on sait bien que l'islam, c'est l'istislam lillah. Wa l'inqiyad lahu bi ta'a. Wa l'istislam, donc, wa l'bara'a min ash-shirk wa ahlihi. L'islam, donc, c'est quoi en réalité? C'est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jalla. Lui être dévot dans l'adoration, et le fait de s'innocenter du shirk et des gens du shirk. Donc, si tu acceptes d'être musulman, parfait musulman, tu dois en réalité accepter donc, de te soumettre à Allah Azza wa Jalla. Tu te dis toi-même soumis en disant musulman. Donc, prouve-le. Prouve-le. C'est pas soumis juste avec la parole. C'est aussi avec lorsque te vient donc, des décrets, tu dois en réalité respecter ces décrets. Donc, le fait de te suivre, de ne suivre ces personnes, donc, c'est un point qui amène justement les gens en vérité à cela, qui amène en vérité justement à la bid'a. Parce qu'il suit en vérité sa passion. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَمَنْ أَضَلُّ مِمَنْ تَبْعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Et qui est le plus égaré de celui qui suit ses passions alors qu'il n'a pas en vérité de guidée de la part d'Allah Azzawajal. Il n'a pas reçu en vérité de preuve de la part d'Allah Azzawajal. On voit qu'à chaque fois qu'Allah Azzawajal parle des passions, il parle toujours de son contraire à côté. Il parle toujours de son contraire qui est en vérité l'ilm. Car le Huda hein, est le contraire en vérité de l'Hawa. Parce que les passions, elles ne viennent pas. En vérité, elles n'ont pas pris comme base le Coran et la Sunna. Elles ont pris comme base en vérité ce qui est à l'intérieur du cœur. Ce qui est à l'intérieur de la personne, du nerf de la personne. Vous verrez à chaque fois comme ça. L'Iktidar, c'est justement, parmi les grands sabbats, c'est le Hawa. C'est justement donc le Hawa. Que ce soit, donc, par rapport à Tahsin, donc on l'a vu, donc c'est le Hawa. Et on pourra en vérité expliquer énormément de choses par rapport à cela. Et troisième point, c'est le Tahsin al-Dhon, bil-Akhli, fi Shariyat. Le fait en vérité de penser que cela est bien. De penser en réalité que dans la Sharia, on peut se permettre de faire cela. Hein? Car elle recoule. Ils ont dit qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui donc le grand sage. Et que el-Hikmah, el-Balira, Allah subhanahu wa ta'ala. La sagesse qui en vérité qui est immense, qui ne s'arrête jamais, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal donc, a donné un shakar, un muntaha. Donc un had, une limite. Chaque raison a une limite. D'accord? Et c'est pas la raison qui décide de ce que Allah Azza wa Jal a décidé de nous. C'est pas en vérité la raison qui décide de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dessiné de nous. Donc j'aimerais que je vais m'arrêter ici, même si on va pas quelques points, alhamdulillah. C'est des grands livres, donc c'est pas possible de terminer. Mais on a pris quand même plusieurs points, ça, alhamdulillah. Il y a juste deux, trois questions, juste par rapport toujours au sujet. Si c'est pas par rapport au sujet, on laisse. Après, laissez-le pour les chiours. Donc, après, ça ici, il y a une question qui en a ram, hein, par rapport à Jamaat Tahrir. Après, c'est toujours par rapport à... Donc, la personne a dit que Cheikh Rabbani dit ça, et que Cheikh Rabbani dit ça. Elle a dit que ça fait partie de l'Aman Adrimia de le dire, afin de, justement, que les musulmans, ils soient unis. À la Kulehel, l'union, elle ne se fera jamais sur une bida, quoi qu'il en soit. Et moi, pour l'instant, après, je n'ai pas de preuve que cela a été dit de la part de ces savants-là. Donc, je ne vais pas répondre par rapport à cette question. Parce qu'il faut que j'ai les délits, réellement, que ces savants ont dit ça. Et à la Kulehel, je sais de leur part qu'ils ont dit autre chose aussi. Je sais de leur part qu'ils ont dit autre chose. Et à partir du moment qu'il y a donc une cassette qui a été faite par Moudjou, qui a été faite par Cheikh Mohamed ibn Razam al-Jahili, al-Hajri, Hafzallah al-Zawajal, donc il a fait à Grenoble, et on le retrouve dans le Dikrava, donc c'est en arabe et c'est en français, et qu'il a parlé sur l'Ibadat. Donc c'est une cassette qui dure 1h50. Donc je crois que vous allez écouter par rapport à l'Ibadat, et à partir du moment que vous allez écouter quelles sont les règles de l'adoration, et après donc vous pouvez donc maintenant prendre hein, le cube, si on peut appeler ça comme ça, c'est comme si c'était un puzzle, et prenez le cube de Jamaat Tahrir, ou prenez le cube de qui vous voulez, même Hadith Salafi, et entrez-le dans, justement, dans ce puzzle hein, de l'adoration. Donc moi, après, je ne peux pas répondre, par rapport à des paroles que je ne connais pas, je ne sais pas si elles sont vraies, si elles sont fausses, mais moi, tant qu'on m'en croit les preuves, je ne prends pas comme ça les paroles écrites à la main, sans que je n'ai pas les délits. Et si il y a cela, alors que le Hadith, il y a des paroles, il amène à l'Iliya, ça ne veut pas dire que on doit mettre même s'il y a un djaf de plusieurs ulama, et le djaf est basé à partir du Coran et la Sunna, et les actes des autres personnes sont prouvés comme quand ce sont des actes de la bida, la mutawatira, elles sont connues, elles sont répandues, il n'y a pas de amana ilmiya de dire oui, il y a un tel savant qui a dit du bien d'eux. Si un savant qui a dit du bien d'eux, c'est en réalité une mukhalafa de sa part tout simplement. C'est une mukhalafa de sa part tout simplement, mais ce n'est pas un amana ilmiya de tout rapporter. Parce que ce sont les paroles des savants. Si c'était les paroles du prophète, là ouais, on est obligé de respecter l'amana al-ilmiya. mais pas par rapport à ici, pas par rapport en vérité à le fait qu'il y a donc des fins de réprimande, il y a une, des paroles à partir de plusieurs savants ou de tous les savants avec les chèques sur les gens donc, de ce groupe-là. Voilà. Donc après, c'est toujours par rapport au DAS, parce que c'est vrai que des fois, il peut y avoir des choses qui ne sont pas spécialement comprises. Comment se comporter lorsqu'un ancien donc, serre la main après la salat, doit-on lui serrer la main ou la refuser? Mais on sait que le fait de serrer la main après la salat, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça fait partie des bidins. Et il y a un livre de Cheikh Al-Hassan Al-Majaz, Ahmad Mahali, donc qui parle sur l'Ahkam, l'Ahkam Al-Salam. Il est très bien. Et justement, il parle bien de ce sujet-là. Et pourquoi pas, en réalité, c'est réussir si quelqu'un d'entre vous, parmi les jeunes justement qui a un peu de sens, qui peut-être donne des cours dans la mosquée, qu'il lit cette partie-là, qu'il explique comment ça se passait, comment ça se passe à l'époque chez les compagnons, et pourquoi ça se fait pas, il a créé. Et à ce moment-là, il voit peut-être qu'Inch'Allah, il ne va peut-être pas accepter. Le fait que ce soit dit des fois par quelqu'un qui va être accepté, ben ça passe. Maintenant, le fait de serrer la main, ça ne fait pas partie des sunnah, mais en vérité, ça fait partie des choses qui sont innovées dans la religion, d'avoir ce qu'on a là. Et ça enlève, ça éloigne l'essence même du but de la salade. On avait parlé par rapport à ça, le fait que c'était donc une bida qui était identifiée. À la question, parce qu'on a parlé de la sunna, on a parlé de la bida, donc on a eu deux cours sur la sunna, deux cours sur la bida. Par rapport au Nabi Sassoum, donc il dit qu'il reviendra un temps où les gens viendront à la religion, donc avec l'air, donc ils seront donc, à la religion, comme s'ils tenaient donc une braise dans leur main. Hein, pouvez-vous nous conseiller sur le fait de s'accrocher à la sunna concernant l'époque où les gens viendront à leur religion, comme s'ils tenaient une braise dans leur main, même si on ne connaît pas à quelle époque cela arrivera, quels sont les éléments prophétiques pour s'y accrocher. Donc, après le hein, comme le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, bisunati wa sunati al-khulafa ar-rashidin. Et de revenir en vérité, donc, au savant par rapport à cela. De connaître en vérité, qu'est-ce que je dois connaître par rapport au nom d'Allah Azzawajal et ses attributs. Que dois-je connaître aussi par rapport à Tawhid al-Rububiyyah, donc les actes d'Allah, la seigneurie. Qu'est-ce que je dois connaître aussi par rapport à Tawhid al-Uluhiyyah, donc mes actes à moi. C'est-à-dire comment je dois adorer Allah Azzawajal sincèrement. Tu vas commencer par le Tawhid. Et après cela, tu vas aussi connaître Arkan al-Islam. Tu vas en réalité connaître donc les piliers de l'islam. Tu vas aussi les connaître donc, de la meilleure façon. Comment prier, hein, comme si le prophète Mohammed Sam priait. Donc tu as l'élève de Cheikh Al-Bani ou d'autres al-Hal par rapport donc des bons livres comme ceci, comme cela qui explique en réalité comment on prie conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même chose pour le jeûne. Même chose en réalité pour donc le Hajj, la zakat, la khayyi. Jusqu'après, et des autres œuvres. Tu vas connaître aussi donc les œuvres surérogatoires. Tu vas connaître les doigts à dire. Hein? Tu vas connaître en réalité donc les bons comportements à avoir. Et petit à petit, donc tu vas en réalité t'améliorer dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout simplement ça. Et on est déjà avec le Hajj, le fait que la sunna est dénigrée depuis bien longtemps, pas depuis maintenant, on est exactement dans cette époque-là. Mais sûr qu'on est le fait de tenir à la sunna actuellement, c'est pas facile. C'est déjà pas facile dans les maisons de beaucoup d'arabes d'entre nous. De beaucoup d'entre nous dans la maison. Hein, chez la maison parce que justement tu es étranger. Tu es étranger. Quand à partir du moment que tu te retrouves toi-même d'ailleurs étranger, donc tu rentres dans la dénomination d'être étranger. Parce que les gens ne font pas ce que tu fais. Les gens ont délaissé en vérité énormément de sunna. Parmi la première épreuve, c'est que nos parents des fois disent, donc les personnes anciennes disent que c'est un din jadid. C'est une nouvelle religion. Donc c'est une preuve que c'est ghalib. Donc en réalité, c'est de revenir au tawhid, hein, et de connaître aussi bien sûr son contraire, le shirk, de revenir aussi à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toutes choses. Et c'est comme ça que tu t'accroches tout simplement. Et de demander à ceux qui ont plus de sens que toi, et ceux qui vont t'amener vers les ulama. Toujours, mais pas ceux qui t'amènent à eux-mêmes, mais ceux qui t'amènent en vérité au ulama. Et celui qui n'a pas peur de te dire, si tu habites telle ville, il y a tel talib dans telle ville, il est bien, profite de lui. Comme je dis, il ne s'arrête pas en vérité à lui-même, mais il aime le bien pour ses frères et il fait profiter tout le monde. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.